réveillé, anesthésié. Oh yeah. Can do what we want, can do what we need, because we are the people about to make noise, about to make sound and share it. Come on, come on. Yikara. Comment? Yikara. In this hotel, California. Here I be the war. Juste un rythme, des fois, suffit. Une ambiance, un espace-temps suspendu. D'où qu'elle vienne, l'énergie. D'où qu'elle vienne, réchauffe. Permet de faire cuire, refroidir. D'où qu'elle vient, je ne sais pas d'où elle vient, mais l'énergie donnée par la musique extraordinaire, power. C'est pas donné à tout le monde. L'énergie, cette sensation d'envahir les ondes, pouvoir envahir l'atmosphère. C'est pas qu'une impression. Avec un peu de matériel, s'organiser, produire des sons, des vibrations, transmettre des émotions. Tomber du ciel. faut l'organiser. Se mettre en tempo avec d'autres humains. Accepter des contraintes. Des tempos qui sont pas les tiens. Beauté du monde, telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Incredible. Beauty. Sous la main, prends. Crache pas dessus, car demain, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Alors, je te conseille, tranquille, autonome, indépendant. Que tout est fait pour la dictature de mon âme, de nos êtres. Cette société addict à dictature, addict. Dictateur, on est dans la tête, ah, yeah. On est plongé jusqu'à l'os dans l'addict au gasoil, au carbone, addict à. Yeah.